plus musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. À vous toutes, il est 13h31. Et bien voilà, le retour avec notre émission, tout simplement le mardi après-midi. Voilà donc, bien, j'espère que vous avez passé tout simplement un bon début de semaine et ainsi une très bonne matinée. Tardez, ben je vais vous laisser tout simplement avec les chansons que vous connaissez tous et que ça vous fait un bon vieux souvenir de les réécouter. Avec tout simplement les groupes Aqua et puis juste après Manar Mini. Donc, il y a un bon après-midi à vous tous et à vous toutes. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Hiya, Bobby. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. m'as fait chanter. Il y a des marteaux qui sont intellectuels. Moi j'ai du stylo marteau, je suis un manuel. Je tape sur un clou, je me tape sur les doigts. Je coupe un bout de bois, je me coupe un bout de doigt. Heureusement j'ai tout prévu en pareil cas. Sous la main j'ai du coton, du sparadrap. Oh oh oh, jolie poupée. Sur mon papier poupée. Oh oh oh, jolie poupée. Tu m'as fait chanter. Oh oh oh, jolie poupée. Sur mon papier poupée. Oh oh oh, jolie poupée. Bon bon pas pleurer. Un peu d'alcool, pas trop d'amis. Bon à 90 degrés, pas t'affoler, je veux pas te saouler, bien que tu sois une jolie poupée. Oh oh oh, jolie poupée, sur mon dos poupée. Oh oh oh, jolie poupée, tu me fais rêver. Ma jolie fleur exotique dans les fleurs. Oiseau de la Martine qui a fait son nid. Je commande des guignes, je danse sur la béguine. Je bois du punch, ça me donne du punch. Passe-moi le doigt, mais la cannelle, c'est fou. Ça va faire des étincelles dans les bancs. Oh oh oh, jolie poupée. Sur mon dos poupée. Oh oh oh, jolie poupée. Tu me fais danser. Va, va, va, va tout le monde encore.

Arc-en-Ciel. Et ce des sentiments nous partager pendant vacances d'été. Chante une fin pleurée, laisse-nous aller, nous qu'à songer. Des bons moments passés, laisse-nous t'essayer, nous t'aimer. Mais où t'es obligé d'aller? Tu nous baisses. On n'en a pas fini. C'est qu'à couler. Les sentiments nous partagés pendant vacances d'été. Nous avons besoin de votre aide. La famille de Didier Bouilly, disparue depuis le lundi 8 avril vers 17h30 sur Ingré, le recherche activement. Il a été vu pour la dernière fois dans le secteur de Queue de Forêt à Ingré. Il était vêtu au moment de sa disparition d'un jean gris, de baskets blanches et d'un manteau gris. Il est âgé de 60 ans et a de nombreux problèmes de santé, ce qui le rend particulièrement vulnérable. Si vous avez des infos, merci de contacter le 06 15 97 35 49 ou le 06 65 71 64 65 ou, le cas échéant, les services de secours. Afin d'aider la famille dans leur recherche, une battue sera organisée le samedi 20 avril à 14h au départ du centre de loisirs des Queues de Forêt à Ingré. Toute personne disponible est la bienvenue. Merci pour votre aide. Voilà donc, retour avec les chansons. Voici donc Francis Lalanne et puis juste après lui, ce sera Nina Simone. Dans ta vie, près de toi, je te promets, et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. L'amour est plus fort que tout, ni l'enfer ni le paradis ne se mettront entre nous. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, elle ne prendra que mon âme, mais elle n'aura pas mon cœur. for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares. Puis je leur ai dit non. Je vais là où le vent me porte. Je fais toujours en quelque sorte le grand voyage. Une guitare et quelques mots. Chaque soir je reprends à zéro mon grand ouvrage. Comme si j'y croyais. Mes journées ressemblent à des nuits, à d'autres nuits qui ne ressemblent à rien. Quelques coups et quelques caresses, je casse mes cordes, je ronge mes laisses et je m'enfuis. Grandir, c'est décevoir un peu, il faut s'appliquer si l'on veut rater sa vie. Comme s'il y croyait. La lumière et le vent pour se l'allier, j'ai le souffle coupé. Sans me soucier des jours qui viennent, je m'enfuis à travers la plaine. Et cette fois, plus de faux départs, plus de doutes, plus aucun chat noir sur ma route. Puisque j'y crois, puisque j'y croyais. Voici donc Billy, et puis juste après, Jerry. Tous les matins, on se sépare. En s'embrassant dans un regard. Je vis à l'ombre du bonheur. Autant entendu un chant venu de la terre qui leur disait on est arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Voici donc Lindé. Oui, c'est ça, bien sûr. Voici donc Linda Limé, et puis juste après, du côté du Grand Prix. Reste avec elle. Elle a dans la tête toutes les réalités dont je rêve. Reste avec elle. Elle a dans le cœur tout ce que je ne promets jamais que du bout des lèvres. Reste avec elle. Elle a dans les yeux ce que je n'ai que l'illusion de voir mieux qu'elle. Reste avec elle. Elle a dans les mains ce que je n'ai jamais le temps d'atteindre. Reste avec elle. Elle fait des câlins qui ne s'arrêteront jamais d'étreindre. Reste avec elle. Elle a dans l'amour ce que je n'aurais jamais que l'impression de feindre. Reste avec elle. Moi j'ai dans la tête un vieux cauchemar qui se répète. Reste avec elle. Moi j'ai dans le cœur l'écho d'une ancienne terrible tempête. Feutre et pastel aux mains de mes amants me dessine tout le temps le même petit bout d'arc-en-ciel. Reste avec elle. Elle a dans les hanches ce qui lui donne une démarche d'ange. Elle a dans les joues un souffle si doux qu'il guérit chacun des petits genoux qui enflent. Elle a du courage et le dos plus large que ceux des héros de nos vieux livres d'images. Oh, avec elle. Elle a le regard si perçant qu'elle peut te trouer tes pires brouillards. Reste avec elle. Elle a dans le ventre ce berceau-là qui a mis ta vie au pluriel. Feutre et pastel aux mains de tes enfants ne te dessineront toujours que son histoire à elle. Elle que tu as choisie. Elle qui est ton port, elle qui est ton pays, elle que tu adores, elle aussi tu oublies quand tes yeux s'attardent sur mon corps, quand tu me regardes un peu trop fort, quand tu la quittes le temps d'une folie, quand tu la quittes le temps d'un frisson. Vas-y tout de suite la rejoindre, je t'en prie, vas-y tout de suite la rejoindre, sinon je tends les mains et je m'agrippe à l'idée de t'atteindre. Reste avec moi. Je te ferai des câlins qui ne s'arrêteront jamais d'éteindre. Reste avec moi. Si c'est pas de l'amour, c'est un feu que je n'arrive pas à éteindre. Feutre et pastel à mes mains maintenant me dessine en tremblant le même petit bout d'arc-en-ciel qu'avant. Ta-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-da, ta-da-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-da, ta-da-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-da-da. Je suis né ici. Mais avant le country, je vous laisse avec le Mexique Paris. Sursis, mon pays. Mélange des cultures. Sûr que rien n'est sûr. Dans le futur, la nature. Un voyage. Un avion dans le ciel.

sound of little feet was music. We danced to week to week, brought back the love. We found trust, vowed we'd never give it up. Remember when? Remember when? 30 seems so old now looking back. It's just a step in the stone to where we are. Remember when we said when we turned gray, when the children grow up and move away, we won't be sad, we'll be glad for all the life we've had, and we'll remember when. Et puis on reste toujours du côté du country. Le monde entier vient s'y distraire. C'est

Voici donc Mandrake, et puis juste après lui, ça sera Jean-Pierre Savoli. Je m'amarre ou je me marre, en pirate, en corsaire. Loin des villes et des fanfares, du fardeau que mon corps serre. Si je vois au loin un phare, je mets des cordes à ma guitare, je m'insère, je m'aère, je m'en marre ou je me marre, au nu de tes estuaires. Tiens la barre est un tamar, la cravate au vestiaire. Je mets mon pull en mohair, bien loin de mes congénères. Je me barre, je pars, je pars. Je m'en marre ou je me marre sur des terres moins austères. Loin des guerres et des bagarres et loin des ministères. C'est fini le temps des gares. Je mets les voiles et je m'égare en mer. Je m'aère, je m'aère. Je m'en rouge, je me marre sous la toile polaire. Je côtoie des hommes rares et des femmes sans colère. Je vogue loin des enfers. Je rends ses cornes à Lucifer. De tous mes cauchemars, il n'y a plus d'éphémère. Je t'aime, mais il y en a marre. Je repars, je redémarre. Et j'erre. Je m'aère. Je m'aère. Je m'en marre ou je me marre dans des yeux sans frontières. Je garde la mémoire à bon escient, j'espère. Pour vous narrer mes histoires. Oubliez-le au rythme de son cœur. vois qu'elle est pour moi. Irréelle et magique, et même au-delà, j'aime ces moments-là, sans stratagème. Passer des nuits blanches, j'aime qu'elle me retienne. Oh oui, j'aime ce jardin d'Éden. Je veux la suivre, mourir ou vivre au rythme de son cœur. On va se retrouver donc eh bien mardi prochain, mais ainsi vendredi. Voilà donc avec on se quitte avec Andalouse avec tout ça. Bon. Et je vous dis donc bonsoir à tous et à toutes et on se retrouve donc eh bien vendredi. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. content with the love I gave. Is wrong. Oh, well, you can't be my Mr. Right.

temps c'est qu'un tas de pierres. La vie tu peux pas la faire.

que je t'aime. Comme un fou malgré moi, j'ai ton sang dans mes veines et tes larmes de joie. Ma vie se brûle dans un cri, dans un volcan, dans ma folie. Des lits sont bien près de moi. Je vis, je meurs à chaque.

Elle est là pour juste un instant, elle est là pour voler du temps. Casablanca. Elle a encore au bord des yeux les reflets du dernier adieu. Casablanca. Et le black joue sur son piano, le ventre serré, le cœur gros. Casablanca. Il joue pour eux cette heure fatale d'un passé qui leur fait du mal. Casablanca. Un avion a fait pour toujours son plein de chagrin d'amour. Bogart pourrait être Gabin. Ingrid Bergman Morgan dans ce mélo noir et blanc. Un avion a fait pour toujours son plein de chagrin d'amour. C'est comme un orage soudain qui lisse les deux amants d'un amour clandestin comme leur destin. Alors un frais bois du whisky et Ingrid repense à Paris. Casablanca. C'était hier, c'était si bien. C'est fini, il n'y part rien. Casablanca. Puis la fin, vous la connaissez. Elle s'envole et il va rester. Casablanca. Que vont-ils chacun devenir? Sans amour, c'est long l'avenir. Casablanca. Un avion a fait pour toujours son plein de chagrin d'amour. Bogart pourrait être Gabin. Ingrid Bergman Morgan dans ce mélo noir et blanc. Je le vois finir son whisky. Je la vois qui pense à Paris. Ingrid est belle, elle est splendide. Et toi t'admires Ingrid. Et j'ai dans mes pensées t'as de beaux yeux, tu sais. Chers auditeurs, nous avons besoin de votre aide. La famille de Didier Bouilly, disparue depuis le lundi 8 avril vers 17h30 sur Ingré, le recherche activement. Il a été vu pour la dernière fois dans le secteur de Queue de Forêt à Ingré. Il était vêtu au moment de sa disparition d'un jean gris, de baskets blanches et d'un manteau gris. Il est âgé de 60 ans et a de nombreux problèmes de santé, ce qui le rend particulièrement vulnérable. Si vous avez des infos, merci de contacter le 06 15 97 35 49 ou le 06 65 71 64 65 ou, le cas échéant, les services de secours. Afin d'aider la famille dans leur recherche, une battue sera organisée le samedi 20 avril à 14h au départ du centre de loisirs des Queues de Forêt à Ingré. Toute personne disponible est la bienvenue. Merci pour votre aide. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Shine to come and shine, but it's mine.